May 19, 2019, 9 hours, 35 minutes, 14 seconds. Oui, salut, c'est les escrocs. Oui. On a un cas ici, là, un homme à la mer. OK. Le navire, le Mars Patras. C'est un navire porte-container. Oui. Qui faisait son approche sur la station. Oui. Ils ont rapporté un homme à la mer. Là, ils n'ont plus de visuel sur l'homme. OK. Le bateau pilote, là, s'apprête à partir, là, pour se rendre au navire. OK. Fait que là, c'est l'information qu'on a, là. Le navire est en train de... L'homme qui serait tombé. Comment tu dis ça? As-tu une description de l'homme? Qu'est-ce qu'il portait? Ben, il portait quelque chose de couleur orange. OK. Couleur orange, puis là, c'est ça. Le Patras est en train de manœuvrer, lui, là, pour envoyer son bateau de sauvetage. Le bateau pilote vient juste de décoller. Il vient juste de décoller, là, pour se rendre au navire. Comme je te dis, le navire, là, il est presque sur la station, là. Il faisait son approche pour prendre son pilote. OK, puis à part le bateau pilote, est-ce quelque chose d'autre dans le... Non, on a juste le bateau pilote puis l'embarcation de sauvetage là, du navire qui va mettre à l'eau là pour ils ont lancé un life ring. Oui. Mais ils voient plus l'homme là, ça fait que présentement c'est ça qui se passe là. Ça vient juste d'arriver, là, on y parle là, sur le canal 9 là. Bon, ben quand tu avais une pile, il y avait d'autres commerciales qui étaient prévus de prendre. Non, là présentement, lui, il est tout seul sur la station, là. OK, puis il n'y a, ben, ouais, a aucun PDD ou rien d'autre dans le secteur qui pourrait participer à Je pense pas, non, je pense, mais okay. Le boat est quasiment là, il vient juste de clencher, là, ça fait que c'est la plus vite qu'on a là présentement. Okay. OK. Le NSTC Québec, lui, arrive à l'arrière là du navire. Il va être là dans 50 minutes, puis son son emergency boat est prêt, là, son life boat est prêt pour décoller si jamais on en a besoin. Bon. Et la visibilité dans cette partie? Visibilité, c'est une belle visibilité, là. C'est pas couvert. C'est couvert, mais on voit très bien là. OK. Ouais. Fait condition au courant? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est le bateau pilote? Il y a toujours quelqu'un qui a utilisé un MED. On est en train de travailler là-dessus, là. OK. Bon, ouais. Je te laisse avec. Ça marche. Bye bye. Ah, puis il était vraiment juste à la position présente du MERS. C'est pas mal ça, là. C'est en plein ça. Oui, il est en train de manœuvrer, là, pour, ça vient juste d'arriver. Fait qu'il est en train de manœuvrer, là, pour essayer de voir s'il peut le revoir, là. Okay. Fait que là, je sais pas si le gars était sur le pont en train de préparer l'échelle de pilote, puis ouais, il a glissé ou quelque chose, là. D'accord. Mais on travaille là-dessus, qu'on te rappelle. OK, merci. Bye bye. Salut. May 19th, 2019. 10 hours, 1 minute, 17 seconds. Pilotage, bonjour, Nissan, s'il vous plaît. Oui. Pilotage, bonjour. Oui, salut, les escomments. Oui. Ah, je suis juste avisé, on a une petite situation, là, sur la zone de pilotage, là. Il y a un homme qui est tombé en mer, là, tu m'as un Patras. Ah, oh, ouais. Fait que là, ça, le bateau pilote t'implique un petit peu là-dedans, là, dans les recherches, là. Ça fait que, ça va te ralentir un peu. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On va juste te tenir au courant, là, de, si okay. Tu vois des choses. Il y en a en CC Québec qui approche de station. Ouais. Oui, c'est ce qui se passe. On va juste te viser toi, là, pour te dire, là, qu'est-ce qui se passe. Si tu vois des choses, là, sur ton écran, là, que, oui. De manière que ça se promène, là, c'est ça qui se passe, là. OK, ben, le pilote est OK, hein? C'est pas le pilote, c'est un membre d'équipage. Okay. Du Maris Patras. Je me profite des stations que vous avez appelées pour vous mettre au courant de ce qui se passe à Port-Alfred. Oui, à 20h ce soir. Oui, à 20h. Il vient tout juste de confirmer ça. Golden Bull. Oui. Va quitter Duncandu pour la mer à 20h. Oui. Tirant de 6.5. OK. Nord-Québec va quitter à 20h01. OK. Okay. En 12e, de la Duncan 1 pour la mer, tirando de 6.8. Bon, c'est parfait, je te remercie. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. May 19th, 2019, 10 hours, 24 minutes, 37 seconds. MRST. Oui, salut, les escoumins. Oui. Et le NACC Québec, lui, approche la position, là. OK. Puis, il vient de nous parler, là. Il nous a dit qu'il avait déjà travaillé, lui, là, pour Search and Rescue. Non, donne-moi une seconde ici. C'est bien reçu, merci, bonne journée. Puis il nous disait qu'il allait commencer là, un patron de recherche, là, il savait trop un peu comment se prendre. Là. Okay. Fait que là, il souhaite te dire que ce bateau-là, là, pas mal, il semble avoir, il est au courant de comment ça se passe un peu. Là, lui, là. Est avec une embarcation rapide? Ben là, présentement, là, c'est son bateau même, là, mais donne-moi une seconde. David, il a-tu dit qu'il allait prendre son bateau? OK. Il nous a dit qu'il était prêt. Fait que s'il est prêt à y aller, on peut le questionner, là. Puis, Il dit que s'il y a une embarcation rapide qui est capable de faire des recherches, il y allait avec tout. Bon, ben. Au départ. Ouais. Puis, c'est ça. T'as pas eu la position exacte qui est en Afrique, là, où il avait lancé sa bouée initialement. OK. Bien, c'est vrai que le bateau pilote était là, dans le même coin, mais on va confirmer ça, on va checker ça, puis on va. C'est ça, quand j'ai vu, là, sur la carte, j'ai mis la position initiale. C'est quand même assez près, là, mais ouais. Je peux l'avoir plus exact, là, tu sais, pour quand j'ai peut-être besoin de 4-5 minutes. OK, OK. Pour voir, là, qu'est-ce que là, ça me donnerait exactement, qu'est-ce que la bouée a fait comme dérive. Ouais. Enfin, on va essayer de trouver ça, la position exacte, là, du marqueur. OK. Ça marche. D'accord. Bye bye. May 19th, 2019, 10 hours, 29 minutes, 16 seconds. Jack. Oui, salut, les escoumins. Oui. Oui, la position qu'on vous a passée, là, la première, c'est la position qu'on a là, pour le marqueur. On a le 4-8. 1-9. Oui, okay. Le 48. 1-9. 1-9. 8-7-7 Nord. Puis 0-6-9. 0-6-9. 2-1. 21, oui. 6-7-9 Ouest. 6-7-9. Ouais, c'est la position. 48-9-8-7-69-21-67. Ouais, c'est la position qui nous a été donnée, ça. Par le meurtre, ça t'a. Ouais. Ben, c'était le bateau. Ça, c'est le bateau pilote qui nous a contacté cette position de la vie, ou c'est le malheur, c'est pas vrai? Ouais. Ben, c'est le bateau pilote qui nous a donné cette position-là. Lui, il était directement à côté, là. Parce que lui, le malheur, c'est pas vrai, quand il est sorti sur le neuf, là, il a crié ça, là, qu'il y avait un man overboard, puis il a tiré son marqueur, là. Puis c'est comme, il a changé de course, là. Pour, retour. Le bateau pilote l'a vu tomber, ou, Non, le bateau pilote t'a pas vu tomber, lui. Non, le bateau pilote n'a pas vu tomber. Il était ici à la longue side, le bateau pilote qui a décollé parce que le bateau faisait son approche sur la station. Puis il nous a crié ça sur le neuf, il y avait un man overboard, puis il a changé de course, il a tiré un marqueur, puis le bateau pilote a décollé lui-là, puis il s'est en allé là. C'est bon. Puis ça, c'est la position de la bateau pilote. Ouais, c'était en plein feu. Il était juste à côté, là, la boue quand il est arrivé dessus, là. OK. Ouais. OK, c'est bon. Bon, ça marche. OK, merci. Bye-bye. May 19th, 2019, 10 hours, 32 minutes, 59 seconds. MRST? Oui, salut. Juste pour dire là, que la carte de rabat est arrivée là, à la position. Puis le NACC Québec, eux autres, le bateau est prêt à décoller. S'ils voient de quoi, là, ils vont décoller avec le bateau, mais pour tout de suite, là, ils n'utilisent pas le petit bateau. Là. Ils s'en viennent tranquillement, ils cherchent aussi. Mais si jamais ils voient de quoi, là, ils vont décoller avec le bateau, puis ils vont aller. Bon, d'accord. OK? D'accord. Fait que, écoute, si on a des instructions, là, si on va avoir des instructions pour les autres unités, on passera tout ça par via le cap de rapport. Bon, mais c'est parfait. OK. Bye bye. Merci, salut. May 19th, 2019, 10 hours, 36 minutes, 17 seconds. C'était MSQM, CTS, bonjour, good day. Oui, bonjour. Monsieur André Desrosiers qui m'a appelé tout à l'heure. Oui. En fait, il m'a appelé pour survoler l'endroit qui est normal. Oui. Ben moi, c'est ça, là, je serais prêt à décoller. C'est sûr qu'à tout moment, je peux canceller à cause de la météo. OK. Mais j'irai à peu près dans, je décollerai dans 10 minutes. OK, dans 10 minutes. Ouais. OK. Puis, toi, tu rendrais ton numéro de téléphone? Oui, ben il m'a parlé avec sur Messenger, là. Oui, OK, ouais, ouais, c'est ça. Il m'a appelé à ce numéro-là. OK, bon, puis donne-moi une seconde, là, ce sera pas long, il s'en vient. Le monsieur pour l'avion, là, la MRC, lui, il était correct avec ça. Pour... Oui, il était correct avec ça. OK, bon, il est prêt à décoller dans 10 minutes, dans une dizaine de minutes, ouais. OK. C'est parfait, si tu veux y aller, là, dans une dizaine de minutes, là, comme je te dis, là. OK. Ouais. Moi, je peux vous appeler en vol, je sais jamais c'est quoi. Oui, t'as... Ce numéro-là? Oui, le même numéro, oui. Le même numéro, okay. Là, c'est notre numéro, puis on va laisser savoir, MRC, là, que tu vas décoller dans environ une dizaine de minutes. OK, c'est ça. Fait que moi, et on peut te donner la position de la bouée aussi, si tu veux, là. Tu vas voir, il va y avoir des navires de recherche, là. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que M. Desrosiers m'avait dit. Il faut ouais. Voir des bateaux. Ouais. Moi, je vais survoler cet avion-là. OK. Bon, si tu veux prendre la position, je peux te la donner pareil, là. Ben là, présentement, j'ai pas de crayon. OK, mais c'est pas de problème. Mais tu vas voir, là. Si jamais j'ai besoin de précision, je peux peut-être t'appeler en vol, là. C'est pas de problème, mon ami. Regarde, tu peux nous appeler sur le 16, là. Si tu ne pognes pas, là, sur le 9, là. On travaille sur le 9. Mais si tu as le 16, là. Ah, ben, je pense. Moi, j'ai pas de radio à ce truc. OK, toi, tu parles sur le téléphone. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, OK, OK. J'ai équipé avec un headset, avec un bouton. OK, OK, OK. Bon, ben c'est ça, tu vas voir, là, tu vas voir le bateau de la Garde Côtière, le Cap de Rabat, tu vas voir le CP Moine aussi, là. OK. Puis tu vas voir, là, c'est juste un peu avant la station de pilotage, là. OK, c'est parfait. Ouais. Fait que, ouais, je vais voir ça, moi, je vais en décoller, je vais tout voir ça. Ben, c'est parfait, mon ami, puis on va passer ça à MRC, là, tu vas être dans l'air dans environ une dizaine de minutes. OK, ça marche. Ça marche, merci. Merci, bye. Bye-bye. May 19th, 2019, 10 hours, 38 minutes, 43 seconds. Oui, je pense que c'est son numéro, il a dit qu'il allait nous contacter ou texter toi, parce que c'est toi qui as le contact, là. Oui, salut, les escoumins. Allô? Oui. Oui, c'est les escoumins. Oui, c'est parfait. C'est MRC ici? Oui, c'est MRC. Oui, OK. Regarde, là, je peux viser là, que la personne de Totem Aviation, ici aux Escoumins, là, oui. Il va être dans les airs dans environ 10 minutes pour se diriger là, dans la zone de recherche. Dans 10 minutes, il va être dans les airs? Oui. C'est parfait. C'est okay. Tu as parlé à GRC Halifax? Si moi, j'ai parlé à GRC Halifax? Mm-hmm. Tu veux dire le gars de Totem Aviation? Oui. Je penserais pas, non, parce que lui, c'est un local ici. Oui, ben, c'est Alpha qui s'occupe de tout ce qui est aérien, mais je vais leur passer le message. OK, ça marche. Parfait. Bye-bye. May 19th, 2019, 10 hours, 43 minutes, 34 seconds. May 19th, 2019, 10 hours, 44 minutes, 54 seconds. Garde Côtière, Coast Guard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais, c'est Yves, vous êtes comment? Oui, salut Yves. C'est Isabelle? Oui. Hey Isabelle, je t'appelle parce qu'on a un petit cas ici. Je suis en train de faire le écoute, j'ai été chercher mes informations. Ah, OK. Je suis parce que je me disais pas le temps que... Ouais, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça, pas encore trouvé à personne, là, je penserais pas qu'ils vont la trouver. Ouais. Mais là... pas de VFI, là. Ben là, c'est ça, là, il y avait absolument rien, ça fait que... Ouais. C'est ça, là, le CP Moine s'en vient. Matelot, ça doit, hein? Oui, ce qu'on pense, c'est qu'il, tu sais, il s'approchait, là, il a fait son approche sur la station. Puis je sais pas si ça t'en... Non, je te dis, je vais vous spéculer s'il était en train de préparer, là, les installations pour l'embarquement, puis En tout cas, c'est ça que je pense, mais on n'a pas encore confirmé là, avec le bateau vraiment là, qu'est-ce qui s'est passé. Là. C'est bon. Fait que... Moi, j'ai juste écrit un membre d'équipage okay. Manœuvre à l'eau, manœuvre d'approche, station. Fait que j'en ai assez pour faire ça. Puis... Oh, il manquait juste la météo dans son coin. OK, de moi, c'est bon. Demande une seconde. Oui. Oui, c'est Jacques des Escoumins. Oui. Vous vouliez la météo? S'il vous plaît. Oui, alors, c'est nuageux, les vents de 5 nœuds du nord-nord-est. Nord-nord-est. Mmh. Okay. La mer est calme. OK. Visibilité? Elle est 15 000. OK. Le plafond est assez haut. OK. Bon, ben c'est parfait. J'en ai assez. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. May 19th, 2019, 10 hours, 51 minutes, 23 seconds. Escoumin, Gondé, bonjour. Hi, this is Captain Jarvis here at the Joint Rescue Coordination Center. Are you talking to an aircraft that's actually departing TOTEM aircraft? There is a civil aircraft that is supposed to be flying over the current location, and okay. We have a telephone number for them. They don't have any radio on board. Okay. Oh, do you just have a telephone number for That's them? My understanding. Let me double check. Thank you. Yes, they just have a telephone number, no radio on board. Okay. Do you happen to have the telephone number? Yeah, hold on a sec. Go ahead. Can we get back to you? That's fine. With a telephone number? Okay. Yeah. Thank you. Bye. May 19th, 2019, 10 hours, 58 minutes, 45 seconds. Acceptez, Ms. Koumen, CTS, bonjour, good day. Yes, good day, sir. From Robert Reefer, the agent of the vessel, Merce Patras. Yes. Yes, I'm just inquiring about the crew member that fell overboard. Yes, no, they're still searching for it, sir. Okay. They haven't located the crew member yet. Oh my goodness. So there's a Coast Guard resources on scene now. We have two Coast Guard boat vessels, a pilot boat, another commercial vessel searching. We'll also have an aircraft in the air shortly. But so far we haven't found the crew member. The crew member. And did the crew saw the guy fell or what? We're not sure yet. No, we haven't had that information. All we know that when the Mars Petras was making her approach to the pilot station, she reported on Channel 9 that there was a man overboard. They threw out a kiss bearing in the water and then they made a turn. But they couldn't see the man there. They could see the kiss bearing, you know, where it was, but couldn't see the man. So we're not sure. Like we don't know yet if it happened when he was getting ready for the installing the pilot ladder or what was the reason why he fell overboard. We don't know that yet, so we're still involved in the search. So eventually we'll ask the vessel what happened, but so far we haven't found that person. No. Okay. Thank you very much. I will contact you later to see. Yes, morning. For sure. Bye. Thank you. Bye. May 19th, 2019, 11:01:25. Oui, salut les escoumins. Oui. Bon, c'est juste préviser là, qu'on a un bateau de pêche qui est en rentrant pour les escoumins. Il va garder une bonne vigie lui aussi, là, le naine Séros. OK. Lui, il arrive là, de l'Est. Fait que là, il va venir décharger son crabe ici aux escoumins. Là. C'est son port d'attache. Bon, il a avisé de ce qui se passait, puis il va quand même là, garder là, une bonne œil là, pour voir s'il peut voir de quoi, des fois que la personne aurait dérivé dans ce coin-là. Là. D'accord. Ben, c'est parfait, mon ami. Lors de ta prochaine communication avec le MERS, disons la température de l'eau, s'il vous plaît. La température de l'eau? Ouais, nous, on a à peu près 5-6, juste pour confirmer, avoir une petite. OK, on va lui demander voir s'il y a ça. OK. Ça marche. Merci. Bye bye. May 19th, 2019, 11:04:46. Secteur 2, bonjour. Oui, bonjour, c'est secteur 3. Oui, salut. Je sais que c'est ton mêlé qui roule sur ouais. En secteur trafic. Ouais. Le prochain, le Tundra, veux-tu juste qu'il te contacte plus vite? Oui, ça me rendrait service, ouais. OK, fait que je vais transmettre cette information-là au prochain dépendant. C'est parfait. OK, bye. Merci beaucoup. Bye. May 19th, 2019, 11:07:56. MRST. Oui, salut. On a un autre dans le navire qui demande si tu aurais besoin de lui. Là. C'est l'Armin Beaudeux. Il est au large de Bergeron, lui, c'est un traversier. Là. Ouais. Il faisait des tests acoustiques là, avec une équipe. Là, je ne sais pas si tu as besoin de lui là, pour se rendre là, sur la zone de recherche. Là. Lui, il prévoyait-tu reprendre du service aujourd'hui? Je ne suis pas certain là, s'il reprend du service aujourd'hui. Il était là avec une équipe. Je pense que l'équipe était là pour faire ça. On peut confirmer avec lui là, s'il reprend du service où il était supposé. Ils ont déjà trois traversiers. Là. C'est parce qu'il y en a deux qui travaillent. Là. Ouais. Fait que, je ne sais pas si tu en as besoin là ou parce qu'il me demande ça s'il peut retourner là, à Tadoussac. Je t'ai dit, tu commences à pas mal de personnes là. Ouais, non, pour la planète, il est du ben, c'est ça, là. C'est en plein ça. Non, ça va être ça. Bon, ben, c'est parfait, mon ami. Okay, merci. Bye bye. May 19th, 2019, 11:10:27. CTMS, Crew-Même, CTS, bonjour, good day. Oui, bonjour, c'est Isabelle au réseau d'appel. Salut Isabelle. Je viens d'avoir un appel du DST qui fait passer le message au Meurs Patras de sauvegarder les informations du VDR. OK, on va lui dire. OK, parfait. Ça marche. Bye-bye. Bye. May 19th, 2019, 11 hours, 12 minutes, 24 seconds. Oui, salut. La température de l'eau, 6 degrés. Pas de problème, mon ami. C'est les oui, les escoumins, oui. 6 degrés, la température de l'eau. Température de l'eau, 6 degrés. Oui. Puis là, ici, là, l'avion de Totem là, est arrivé ici sur les lieux. Là. OK. Oui. Bon, mais c'est parfait. Bon, ben, hey, pas de problème. Bye-bye. May 19th, 2019, 11 hours, 59 minutes, 23 seconds. Le pilote là, qui aurait passé, là, il aurait probablement là, questionné là, le Tundra, lui, là, parce que... MRSP. Oui, salut, les escoumins. Oui. Juste une question pour toi, là. On a des navires qui sont descendants là, pour débarquer des pilotes. Oui. Puis c'est sûr que le bateau pilote, lui, est impliqué dans la recherche, là avec le Cap de Rabat, là. Lui, tu en as encore besoin, là, pour effectuer des recherches, là. Oui. Fait que là, c'est pour ça que je t'appelle, parce que là, on peut dire au navire, là, d'attendre jusqu'à temps que la recherche est finie avant de continuer, là, à vouloir débarquer. Là, le prochain descendant, c'est à quelle heure? Il passe là, présentement. Là, il passe. Il est presque arrivé au fond Prince, là, le Tundra. Là. OK. Puis, le pilotage, eux, est-ce qu'ils ont un deuxième bateau qui pourrait servir pour les opérations de pilotage? Ouais, c'est parce que là, j'imagine, il faut que tu fasses rentrer un autre ouais. Skipper, là, un autre équipage et tout. Là. Fait que c'est ça l'affaire. Oui, effectivement. C'est. Fait que nous autres, on peut le dire là, d'attendre jusqu'à temps que les opérations sont terminées ou jusqu'à temps que tu penses que... Ouais, ben c'est sûr, écoute, les recherches vont continuer rapidement jusqu'à tomber du jour. OK, OK. Le bateau pilote, à un moment donné, il y a une question d'endurance d'équipage aussi. Ben, il y a ça aussi. Là. Ben là, présentement, à bord, il y avait les pilotes là, autour du Marius Pachas aussi, là, fait qu'ils sont probablement quatre là, à bord de ça. Là. OK, ouais. 4-5, là. Bon. Puis... Donc, je ne l'avais pas noté. Tu me dis, le prochain descendant, il passe au fond prince. Il arrive au fond prince, le Tundra. Hein? Le Tundra. Oui, c'est que c'est son heure à l'origine, mais c'était... Pour la station, tu veux dire? Oui, ouais, tu vois, là, il va être à... On va donner l'heure au fond prince, là. Il va être au fond prince, là, à 12h15, environ 10 minutes, là. Il va être à la station, à peu près, là, une heure après ça, là. À 13h30, fait que là, c'est ça, parce que là, ils vont vouloir débarquer, c'est sûr, mais si on lui dit qu'il faudra qu'ils attendent, mais là, c'est à savoir, c'est jusqu'à temps qu'ils vont vouloir attendre, là. Ouais, effectivement. C'est sûr que là, ça, si le 32 est en route, il va rester bon. Il va rester sur le moins, puis le... Ouais. Parce que là, comme je te dis, je ne sais pas si le Grandio peut les faire. Il a retourné ou je pourrais parler avec pilotage, là, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux autres là, là. C'est parce que comme tu dis, les gars, là, on sortait le matin dans la même record là-dessus, là, puis ouais, je ne sais pas comment là. On peut pas le forcer à rester, même si nous, de notre côté, on continue les recherches. Oui, oui, pour oui. Raison de fatigue de l'équipage, puis il peut juger aussi qu'il devient inefficace si on veut dans les recherches. Là. C'est ça, ouais. Fait que lui, pour raison de sécurité et tout, il peut se retirer là, ouais. Parce que tu vois, tu as un RTC Québec aussi là, qui est là, lui-là, qui participe là, là. Ça fait que lui, là, peut-être qu'il va décider qu'il va devoir prendre son pilote pour continuer à monter, là, je le sais. Ouais. C'est parce qu'ils ont commencé à débarquer des pilotes lui, le NAC de Québec, va tellement décider lui aussi, regarde, moi, je vais continuer mon voyage, là. Ouais. C'est, viens mettre mon pilote à bord, là. Myers, lui, c'est sûr, puis il va attendre, parce qu'il n'y a pas le choix, là. Ouais. Ben écoute, on les garde certainement encore pour la prochaine heure au minimum, là. OK. Mais je vais en jaser avec mon boss, puis je te reviens là-dessus. OK, c'est parfait. OK, merci. Bye bye. Salut. May 19th, 2019, 12 hours, 7 minutes, 50 seconds. Oui, salut, les deux, comment? Hey, on parlait au navire de pêche, un Nancy Ross. Lui, c'est un gars local ici, là. On lui a demandé la force des courants, là. Et il disait que d'habitude, là, lui, il faisait de 7 à 8 nœuds, là, il fait 10 nœuds, là. Fait que, puis le courant, le F en ouest, ça fait que lui, là, en tout cas, il disait que peut-être que la personne aurait plutôt décollé par l'autre bord, là. Plus vers Cap Bon-Désir, si tu veux, là. Fait que ça, c'est l'information qu'il nous a donnée. Comme je te dis, lui, c'est un pêcheur local. Là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est ici. Là. C'est une information que je te passe. Là. Ouais, lui, il dirait que le courant l'aurait fait monter plus par en haut, là, d'après son expérience. Là. C'est parce que lui, là, il est entrant là, aux Escoumins. Là, il arrive de l'Est, lui-là, là, pour avec sa cargaison. Là. Puis c'est ça qu'il disait. Là, d'habitude, il fait 7 à 8 nœuds. Là, il fait 10 nœuds. OK. Puis, d'après lui, là, les courants sont d'est à l'ouest, ça fait probablement là, qu'il est sûrement poussé plus vers Bon-Désir. Là, OK. Ouais. Ben, au départ, non. Là, présentement, peut-être. Mais, ouais. Ben, dans la première heure, si on veut, ça avait l'air plus en descendant. OK. Lui, d'après son expérience, il dit que ça... Ben là, présentement, où ce qui est là, comme je te dis, là, peut-être pas là, quand c'est arrivé au début, là, ouais. Mais présentement, comme tu dis, là, c'est probablement là, ce qui s'est passé à ce moment-là, là. Okay. Mais là, présentement, comme je te dis, il vient d'arriver là, sur les lieux, là, il arrive, là, de l'Est, là, il arrive dans le coin de Rimouski, là. Okay. L'NACC Québec, lui, il pouvait-tu monter sans pilote ou il prenait un pilote, lui aussi, de jouer? Lui, l'NACC Québec, il prenait un pilote, lui aussi. OK. Ouais. Il jasait un peu avec CC de ça, là. Ouais. Et il dit, ben, écoute, c'est sûr qu'on pourrait libérer, on peut libérer, là, que quand le, ben, évidemment, quand il va être prêt, parce que ça doit avoir retardé les opérations des pilotes aussi. Oui. Quand que le Tundra, le prochain descendant, va passer, le bateau pilote pourrait aller faire ses changements de pilote. Là. OK. Fait qu'on pourrait libérer là, également le NACC Québec quand lui va vouloir continuer. Bon, mais ce qu'on va faire comme ça, on va dire au Tundra, bon, on va parler de bateau pilote. On va lui donner l'information qu'il pourrait faire le descendant. Puis, on pourra parler pour... Ensuite de ça, lui demander là, s'il pourrait, après avoir terminé ses changements de pilote, s'il pourrait revenir pour continuer le recherche. Bon, on va lui demander s'il peut faire le Tundra puis le NACC Québec. Puis tu vois, ouais, c'est ça qu'on va faire. Puis on te rappelle là-dessus. OK. Ouais, ça marche. Merci. Bye-bye. May 19th, 2019, 12 hours, 16 minutes, 26 seconds. Oui, salut, les Escoumins. Oui. Je peux donner un petit heads-up, là. On a parlé avec MRSC pour les navires descendants et montants. Oui. Le bateau pilote va débarquer le pilote du Tundra. OK. Ensuite, il va embarquer le pilote à bord du NACC Québec. OK. Le MAS reste sur place, là. Présentement, oui. Mais là, le MERS, le bateau pilote, a son pilote à bord, là. Il avait déjà embarqué le pilote. Non, il n'est pas à bord du Maersk, il est à bord du bateau pilote. Oui. Il est avec le bateau pilote présentement, là. Ça fait que là, juste te donner cette information-là, il n'y a pas de pilote à bord du Maersk Patches. OK. Il est avec le bateau pilote. Parce que quand ils ont sorti pour commencer à faire leur recherche, les pilotes avaient déjà embarqué avec le bateau pilote. Ça fait qu'ils ont sorti avec le bateau pilote pour participer aux recherches. Oui. Ça fait que là, c'est ça. Ça fait que là, le Patches, lui, il est encore ici en stand-by. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer sur votre côté à vous autres, là, si c'est les pilotes qui sont à bord du bateau pilote pour le Patches, est-ce qu'ils sont encore disponibles pour aller à bord ou c'est d'autres pilotes qui vont embarquer? Je ne sais pas quoi vous dire à ce moment-là. OK. Non, c'est correct. Jamais ils vont en situation comme ça. Non, c'est correct. Regarde, moi, comme je te dis, là, le bateau pilote va faire les deux navires. va faire le descendant, le Tundra, et il va faire le montant, le NACC Québec. Okay. Il va faire ces deux bateaux-là. Ensuite, il va sûrement reprendre les recherches avec le Cap de Rabat et les ressources de la garde côtière qui sont ici présentement. Le Patrice, lui, est ici en stand-by là, au large de la station. Il attend, il est à la dérive pour plus d'instructions. Fait que là, je ne sais pas comment que vous allez gérer ça de votre côté là, pour son pilote à lui. Là, parce que c'est sûr que les recherches vont durer encore quelques heures. Là. Oui, c'est ça, oui. Ça fait que je ne sais pas, comme je te dis, là, quand est-ce que ça va être cancellé. C'est sûr qu'en noirceur, là, ils ne chercheront plus. Là. Mais c'est sûr que lui va peut-être rester ici jusqu'à ce temps-là. Là. Oui, c'est ça. Mais on attend pour l'instant voir ce qui se passe. Probablement que l'argent va canceller finalement les... Okay. Le pilote, on va essayer de contacter l'agent pour voir. Je sais pas s'il est déjà au courant. Oui, il est déjà au courant parce qu'il m'a appelé ici au début de tout là, pour savoir si s'il avait retrouvé la personne qui avait tombé à l'eau là. Ouais. Fait qu'il est au courant de la situation. Fait que là, c'est ça qui se passe là. Fait que on va faire les deux navires, le montant et le descendant. Ouais. Eux autres, ils vont être faits. Là. On va aviser le NACC Québec là, de se présenter sur la station en même temps. Vers, c'est 13h15, je crois. Donne-moi une seconde, moi. Oui. Oui, oui, ils sont pas. Donne-moi une seconde, je vais confirmer, là, mais ça, ils vont être sur la station à 13h40. OK. Fait que là, le 13h40, là, le pilote du NACC Québec pourrait embarquer là. Oui. Je ne sais pas si tu l'as appelé là ou si. Oui, je l'ai appelé, je ne sais pas où il est où physiquement. OK. Si au bord des bateaux ou non, à bord des pilotiers ou non. OK. Mais il est au courant, il est au courant de tout ce qui se passe. OK, bon. Là. Mais pour l'instant, on parle pas du tout d'Alpha ici, qui est un montant. Non, non, Alpha ici. Il y a d'autres mélodies. Ouais, on verra ce qui se passe, on va voir. Ben, c'est en plein ça. Mais qui se rapporte à, tu vois, le Alpha ici, lui, il est attendu, là, à Pointe-au-Bois-Vert à 14h. Ça fait que c'est encore 2h d'ici. Ça fait que là, on va avoir probablement une meilleure idée là, de ce qui se passe. Là. Okay. C'est parfait? Oui, oui. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est pas de problème. Bye-bye. Bye-bye. May 19th, 2019. 12 hours, 20 minutes, 49 seconds. MRST. Oui, salut, les escoumins. Oui. Alors, juste aviser là, que le bateau pilote va faire les deux navires, le montant et le descendant. Ah, OK. À 13h40, après ça, il devrait être capable de retourner là, sur les lieux de recherche là, pour aider. Là, il y a peut-être, on a demandé, étant donné là, qu'on va en libérer deux, là, c'est-à-dire un, puis le bateau pilote va être parti, on a demandé Parc Marin Saguenay, là, eux, ils vont peut-être avoir une embarcation. Ah, OK. Fait que le NACC Québec, lui, on lui a, là, on va lui dire là, de se présenter sur la station, ça fait lui dire qu'il va être relâché là, de la zone de recherche et sauvetage, puis il va être capable de prendre son pilote pour ce temps-là. D'accord. Bon, mais c'est parfait, mon ami. OK, merci. Bye-bye. May 19th, 2019, 12 hours, 22 minutes, 43 seconds. STM, est-ce que même CTS, bonjour Boudet? Oui, salut, c'est le pilote qui va embarquer sur le NACC Québec. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour, allez-y. Oui, j'ai juste une petite suggestion. Je viens de parler au capitaine du bateau pilote. OK. Puis, on regardait. L'action se passe un peu en aval de la station pilote, là, où le membre d'équipage a tombé. Oui. C'est-tu possible de faire le changement de pilote, comme dans le coin de le capitaine du bateau pilote est d'accord, là, de le faire en amont de la station. Continuer de faire monter le NACC Québec, puis le changement de pilote se fera dans l'entour du Cap Mont-Désir. Oui, si vous êtes d'accord avec ça et le bateau. J'ai parlé au pilote du Tundra qui lui aimerait mieux ça aussi, parce qu'une fois qu'il serait débarqué, le bateau pourrait vraiment piquer vers le sud. Ah. pour s'éloigner là, de la zone où il y a des bateaux qui déraillent pour la chercher? Non, c'est pas de problème du tout, monsieur. Regardez, si vous êtes en accord avec ça, que le bateau pilote là, est en accord avec ça, là, c'est sûr que ça serait préférable. OK. Puis, pouvez-vous passer le message? Moi, j'ai parlé aux deux au pilote du Tundra. OK. J'embarque sur le NACC Québec. OK. Puis, j'ai parlé le capitaine du bateau pilote, puis il n'y a pas de problème pour les deux. Bon, j'ai juste annoncé au NACC Québec de continuer à monter. Puis le changement peut se faire aux alentours de, j'imagine, 13 et 15, c'est probablement l'heure où il serait dans ce point-là. Vers 13h15. C'est ça que vous me dites, vers 13h15? Ouais, vers 13h15, là, okay. C'est probablement dans le coin que les deux bateaux seraient, ils veulent faire le changement en même temps, là, oui. Si je comprends ça. Oui. Fait que s'ils pouvaient continuer à monter et s'aligner pour être en avant entre la station puis Bon Désir pour 13h15, ça serait bon. Parfait. Ben, c'est parfait, on lui fait le message, monsieur. Je vous remercie. OK, pas de problème, bye-bye. May 19th, 2019. 12 hours, 51 minutes, 40 seconds. Oui, salut, c'est Escoumin. Pardon? C'est Escoumin? Oui. Attends un peu. C'est deux, avec Escoumin, garde l'écoute. Oui, je viens de parler avec Sipoumouin. Oui. Et puis, on a rongé la côte jusqu'au cap de Bon Désir. Ils ont rien trouvé. Puis là, ils se dirigent vers Kakuna pour mettre du carburant. Oui. La Rachipera, c'est 13h30. Et puis, le cormoran, on a un visuel. Là, il vient d'arriver sur le site. Parfait. Puis, il est 13h30. Oui, pour Kakuna, ouais. Parfait. OK. OK, merci beaucoup. Bye. May 19th, 2019, 13 hours, 14 minutes, 34 seconds. MRST. Salut, c'est comment? Oui. Juste à dire, Merce Patras est présentement en position là où l'homme a tombé ce matin. OK. Et puis, Grandzo, là, il s'en va faire son embarquement de pilote de débarquement. Présentement. D'accord, c'était au courant que l'escran de Parfarin devrait être arrivé d'un projet. Oui, il a-t-il nous appelé ce matin puis il m'entendait pas? Ah. Pas ce matin, mais plus tôt. Et puis là, il a rentré en contact avec le Cap de Rabat. Cap de Rabat, il a dit de longer la côte là, jusqu'à Cap de Bonnésir, puis il allait donner des instructions plus tard. D'accord. Ben, tu vois, lui, il rentre aux instructions, tu pourrais dire lui, il est en descendant, il arrive de Torterot, probablement? Oui, il communiquait, il était à Batour aux Vaches en sortant de Tadoussac, là. Ah, OK. Puis il n'y a pas d'AIS, ça fait qu'on ne le voit pas présentement. OK, fait que de Bon Désir, il pourra continuer à faire la côte, on veut, de Bon Désir en descendant jusque passer la station, jusqu'à la pointe, là, la limite du Parc-Marin, c'est pas la pointe qui est là dans la ligne. Tu veux dire quai public jusqu'où? Oui, jusqu'au quai public. OK. Fait que, quelle distance de la côte, as-tu une distance? L'escran, lui, la distance, la première porte, la plus près de la côte qu'il peut faire sécuritairement. Le plus près de la côte sécuritairement, parfait. On va y passer ça si on veut se communiquer avec, là. Il y avait des problèmes de radio, fait que. Ah, OK. On va voir ça. Tu peux passer, ça va être passe par le cap de rapport. OK. OK. Merci. Bye. May 19th, 2019, 13 hours. 25 minutes, 9 seconds. Salut, c'est comment? Oui. C'est pour moi, Natacha à Kakuna. OK. Et puis j'ai aussi apporté l'info à l'estran là, pour longer la côte jusqu'au quai. D'accord, jusqu'au quai public même, il pourrait la dépasser un peu, là, il pourrait même faire la baie, là, un peu de la... Okay. La baie juste en aval. Ouais, ouais. OK. OK, merci. Merci, bye. May 19th, 2019, 13 hours, 40 minutes, 5 seconds. C'était Moscow, MCTS, bonjour, good day. Yes, sir, he was the Merce Patras. Yes. Just calling to see if there's any update. No, sir, there's no update. They're still searching. Now there is a few more vessels, Coast Guard vessels involved, as well as an aircraft, a helicopter that is flying around low altitude to try to locate the missing person. Wow. But they haven't found anything yet. Yeah, how's the current there? Is it fun? What was that again? The current. Well, current is not too strong, but it can be tricky. So obviously, you know, I mean, it's going to be hard to find, you know, yeah. Because sometimes you got currents coming from the east, the west. So you know, current is traveling quite a bit. So yeah, and this is a wide area. So it is, sir. Yes, it is because. You know where it happened. I was at the approach of the pilot station, but you know, it's about 15 nautical mile wide from one coast to the other in that area. So yeah. Depending what the current did, you know, at the time, if he went under and then the current took the person, and you know, who knows where he might be. So that's the thing. You know, they're still searching. They'll search until night time, yeah. For sure, trying to locate at least the body because. You know, it's been like 4 hours now, so, and the water is really cold, it's 6 degrees. So, you know. So unfortunately. It is, and I said we still don't know what really. Oh, yeah. Just a minute, please. Okay, I think it's coming. Merci, bonne journée. So the Mars Patrol is still here, standing by. Still involved. He's got his little rescue boat out there and searching as well. So he's there now. I mean, there's no pilot on board. Obviously, he's still holding position and you know, see what will happen if they can find or locate the body. So the person, you know. Yes, understand. Yeah. Okay. I'll be sure your update. Sounds good, sir. Bye bye. Goodbye. May 19th, 2019. 13 hours, 44 minutes, 40 seconds. MRSC? Salut? Oui, allô? C'est Descoumin? Oui. Oui, l'aspirant? Oui. Il était sorti là pour participer, mais il y a trop de vagues qui dit là, que grosseur de le bateau, ils vont retourner à Tadoussac. On retourne à l'habitat. Oui, puis le bateau pilote, il vient de revenir. Oh, demande une seconde. On tient vraiment le maître, ça fait qu'est-ce qu'on a? Monsieur, le retour au Pied-Montréal. C'est bien reçu, merci, bonne journée. Lui, il vient de revenir, là, il a fait, il a embarqué et débarqué ses pilotes, là. OK. Lui, est-ce que tu voudrais, ou tu confirmes que tu voudrais qu'il retourne faire partie de la... l'opération de sauvetage ou il est correct où ski ou qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais qu'il retourne oui, s'il est capable. Tu voudrais qu'il retourne s'il est capable? Oui. OK. Fait que lui, ses prochains navires, là, tu vois, comme une couple de descendants là, qui s'en viennent là pour l'île Blanche. Ouais. Fait que peut-être refaire la même chose là quand il est prêt à débarquer ses pilotes, mais il pourrait peut-être y aller puis. Ouais. Fait qu'on veut lui dire que tu aimerais ça qu'il retourne. Oui. Puis, c'est parfait. On lui fait le massage. D'accord. Bye-bye. Merci. May 19th, 2019, 13 hours, 46 minutes, 37 seconds. Oui, bateau pilote. Oui, salut. Oui, bonjour, Oui, je viens de parler à MRSC. Il aimerait ça que tu retournes. Oh, donne-moi une seconde. J'ai aucun problème avec ça. Je suis prêt, je voulais juste une confirmation. Oui, donne-moi une seconde, ça va. Oui. Station is calling, est-ce que tu m'as Demande une seconde, je vois là. Oui. Attends, je vais voir, monsieur Manchester. Roger, sir, thank you. And everything on board is still in good working conditions and all the tests and all the conditions? Thank you, sir. Vessel is Smith, Department 9 on down. We'll be standing by for your call, sir, when the vessel is on the way. And can you confirm that you have on board, sir, the latest notice to shipping regarding the North Atlantic right whale? Notice to shipping Quebec 0751. Yes, sir, we have. Notice to shipping Quebec 0751 has been a little change. Zone Bravo is active, so you'll have to proceed less than 10 knots in dynamic Zone Bravo. Alpha and Charlie are inactive. Over. Zone Bravo is active. Roger, we'll be standing by for your call on the way. Oui, c'est ça. Non, il aimerait ça que tu retournes participer. Oui. Puis, pour ce qui est des navires, là, je crois que ça va être la même chose là que qu'on va faire, là. Mais qu'il y en a qui sont prêts à... Tu vois, on a deux descendants qui s'en viennent, là, pour l'île Blanche. Oui, ils seront pas ici, t'avais pour moi 4h30-5h. Ouais. On arrive d'en face. Attends un petit peu, ouais. C'est quoi l'heure pour le premier descendant? Dans quelques minutes, hein? Vers 16h. OK, en tout cas, ça regarde, là, présentement, vers 16h à la station, le premier descendant. OK, parce que toi, juste sur le temps-là, il est chevalier d'arriver 17h. Ah, OK. Mais c'est pas grave, là, c'est pas important, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu vois, le prochain montant qu'on a, là, c'est le Advance C, là, qui approche Pointe-au-Bois-Vert. Okay. Pour 15h15. Okay. Ça fait que toi, est-ce que tu voudrais faire la même chose qu'on vient de faire avec les deux navires montants et descendants, les ramasser un petit peu plus loin? Ouais, là, c'est peut-être un peu loin, mais là, c'est Québec. OK. C'est peut-être un peu trop loin, mais... Oui, oui. Mais tu sais, oui, un peu plus haut que là-dessus. Il faudrait pas qu'ils redescendent jusqu'au mur, ce patin, idéalement, là. Oui, oui, oui. Tu sais, comme le navire montant, je pourrais faire plus au large, dans le pire des cas. OK, OK. Bon, ben, regarde, mais qui sont prêts à arriver, là, on checkera ça, puis on lui donnera les instructions. Parfait. On s'en reparlera. Bon, mais c'est bon, nous autres, on est reparti, il n'y a pas de problème. Ça marche, je te remercie. Bye. Bye bye. May 19th, 2019, 13 hours, 51 minutes, 37 seconds. Oui, allô? Oui, c'est encore Eric au bateau pilote. Oui, monsieur. Oui, j'avais oublié de vous dire aussi que M. Vizina qui est ici, le pilote du numéro 14, qui est toujours avec moi, fait qu'il reste avec moi, fait que quand tu décides qu'il faut qu'il embarque, mais si je l'ai à bord. Ah, OK, tu l'as toujours avec toi. Oui, il est toujours avec moi. Bon, bon, on va le dire au pilotage qui est avec toi. Parfait, merci. Merci, bye-bye. Bye. Bonjour, l'Express, est-ce qu'on va faire? May 19th, 2019, 13 hours, 56. Minute 16 seconds. Oui, pilotage. Oui, salut, les escoumins. Ben oui. Enfin, c'est juste pour te dire là, que le bateau pilote est retourné là, dans les opérations de nom de recherche. OK, OK, merci. Donc, il fait encore des recherches. Il a été démarqué le pilote là, ouais. du descendant. Il a mis celui-là pour la NACC Québec. Bon. Là, à bord du bateau pilote, il y a le pilote pour le Maersk Patras avec lui. Sauf que là, il va avoir un safety manning problem, je présume, la cause qui manque à l'officier. Ben, c'est sûr, je ne sais pas qui est tombé à l'eau. Là, j'ai aucune idée. Là, si c'est. Le d'ailleurs dit que c'est le deuxième officier. Oh, ils disent que c'est le deuxième officier? Oui. OK. Que je ne connais pas vraiment par rapport ouais. Mais habituellement, il y a un nombre d'équipes. Oui, non, t'as parfaitement raison. C'est parce qu'on n'a pas, j'ai pas regardé l'information, là. Je l'ai devant moi, là, je vais te la lire, selon moi. Parce que les autres, je suppose qu'ils ont pris les informations, parce que nous autres... Capitaine Mike Patras donne les détails de la personne manquante. Ah, OK. Tel G. Ravindou, deuxième officier, Sri Lanka, okay, avec la date de naissance. Bon. Fait que je vais aller voir ça. Mais je peux te dire là que quand même qu'ils ont le pilote est toujours à bord. OK, ça marche. Puis moi j'ai appelé l'agent. Je l'ai tenu au j'ai parlé par rapport à ça du safety manning. J'ai dit écoute, tu prends. J'ai dit je veux pas dire ce que je dis pas. Je dis pas qu'on le retrouvera pas, mais je sais juste que dans l'éventuel cas, même si on le retrouve, il pourrait requérir des soins supplémentaires que le fait d'embarquer à bord. Il dit, effectivement, t'as raison. Ben oui. Et, écoute, je dis, je connais pas la loi de Transport Canada, mais je me semble que c'est moi qui ai deuxième officier, il faut qu'il soit remplacé. Oui, oui, oui, non, t'as parfaitement raison. Et, vivant ou blessé, d'après moi, il va avoir besoin de soins, cette personne-là. Oh, oh, c'est sûr. Mais, en tout cas, non, c'est ça qui est le cas, c'est qu'il est encore à bord, là, le pilote, puis je peux donner un job là-dessus. Oui, oui, je suis au courant, puis l'agent est au courant. Bon, puis, vraiment, moi, je suis stand-by. L'agent attend de savoir, d'un, ce qui va se passer, et de deux, ben là, avec l'information que je venais de donner, que j'ai donnée à lui. Oui, oui, oui. Je pense qu'il est allumé en voulant dire, ouais. Il va manquer quelqu'un. Il va manquer quelqu'un. Bon, ben, c'est parfait, mon ami. Ça marche. Allez, bye-bye. Salut. May 19th, 2019, 14 hours, 5 minutes, 58 seconds. Salut, c'est Escoumin. Oui. C'est pour moi, ils viennent m'appeler, ils sont tous sur leur départ de Kakuna. Okay. Ils n'ont pas d'HPA pour les Escoumins présentement, ils vont m'appeler en route. D'accord. Salut. May 19th, 2019, 14 hours, 9 minutes, 28 seconds. Salut, c'est Escoumin. Oui. C'est pour moi une HPA pour Bon Désir 1445. 445 pour Bon Désir. Ouais. Merci. Merci. Bye. May 19th, 2019, 14 hours, 29 minutes, 58 seconds. Satan, Escoumin, CTS, bonjour, good day. Ouais, salut, Pierre Satan, puis là. Oh, oui, allez, oh, donnez-moi une seconde. La station qui appelle le trafic, est-ce comment? I'll go my mouth, est-ce comment, trafic, Roger, thank you, you have a good day. Oui? Avez-vous des nouvelles du marin, Ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont pas retrouvé. Ils cherchent encore. Okay. Le bateau pilote est impliqué, le cap de Rabat. Ils ont sorti l'autre bateau pilote? Ils ont sorti le deuxième bateau pilote? Non, ils l'ont juste un, là. Ils ont juste le grand duo, là, qui travaille, là, puis qui est là présentement, là. Mais qui fait le changement de pilote? Ben, c'est le grand duo, il est impliqué dans la recherche, puis quand les bateaux arrivent sur la station, ben, il va faire les bateaux, là. Il n'aura pas pu sortir l'autre? Ben, ça aurait été une possibilité, j'imagine, là, mais... Il y a l'autre, il y a des capitaines, là, Danny, Blanchette, il aurait pu sortir, là. Ben, en tout cas. Ouais. Puis, avez-vous des nouvelles? C'est quoi, c'est un petit Philippin, je pense, un genre? C'est le deuxième officier. À bord du navire, c'est un, il vient du Sri Lanka. Ah, c'est moi qui l'ai monté il y a trois semaines. Ouais. Il a monté le 22 avril. C'est un Roumain. Un jeune homme qui a été né en... C'est pas tellement vieux. Non. Là, c'est ça, on ne sait pas là, encore que vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Là. Okay. Je ne sais pas s'il était en train de préparer les arrangements de pilotage. Okay. Kiss Bearing à l'eau là, pour ouais. Marquer. Puis ils ont tout de suite pris. Il était en train de faire son approche là, tranquillement sur la station. Puis là, il a viré tout de suite, puis le bateau pilote, ça donnait qu'il s'apprêtait à la sortie, il a décollé tout de suite. Oh, je sais, moi, je suis à Salarium, j'ai tout entendu. Ah, okay, okay. J'étais au Fond Prince, puis quand c'est arrivé, j'ai tout entendu. Okay. Pour ça, je voulais avoir des nouvelles, ben, surtout que je connaissais un peu. Ben oui. Ah, c'est ça. C'est ça qu'on disait des fois, les compagnies, ils ont tellement dans le temps, les compagnies prennent de l'argent en masse, puis ils sont pas capables de former au bonhomme qui ne sait pas pourquoi qu'il n'y avait pas, là. OK, mon ami, t'es bien gentil. Parfait, pas de problème. Et bye-bye. May 19th, 2019, 14 hours, 38 minutes 25 seconds. C'était MS Comem, CTS, bonjour, good day. Oui, bonjour, je suis ingénieur du Canada. Est-ce que je suis désolée de vous appeler directement, là, c'est juste parce qu'on voyait l'opération qui passe du côté des Escoumins? Oui. Puis on se demandait juste en fait, il y avait combien de... Est-ce qu'il y a un hélicoptère qui est là sur place? Oui, il y a un cormoran. OK, est-ce que le cormoran est là? Plus il y avait, on voyait qu'il y avait la grande eau, puis il y avait... De moins de secondes, s'il te plaît. OK, oui, oui, pour toi-même. Artemis, Escoumins, Traffic, good afternoon, go ahead. Thank you, sir. Traffic information. At this time, we have three vessels, correction, four vessels reported downbound to checkpoint 2. One of those vessels is transiting to the north of the traffic lane. One vessel is also downbound to checkpoint 3, so we'll be standing by for your call on this channel. When your vessel is at checkpoint 3, Alpha. Thank you. Oui, bon, c'est avec qui tu étais déjà, tu me dis? Oui, ah, quoi? Avec qui tu étais? Avec Radio-Canada. OK. Mais c'est ça, c'est juste parce qu'on n'est pas capable de rejoindre les gens des coms. Fait que c'est juste pour comme confirmer ce qu'on avait comme information. Le monsieur n'a pas encore été retrouvé, hein, c'est ça? Non, il n'a pas été retrouvé, non. OK, fait que ça continue les recherches? Oui, ça va continuer jusqu'à temps qu'il fasse noir. Parfait. Puis juste une question, c'était quelqu'un du masque Patras, j'imagine? Comment tu dis ça? C'est quelqu'un du Patras, c'est ça, du Merckx Patras? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Ce serait un homme d'équipage qui serait tombé à bas. Voilà, on n'a pas cette information-là, par exemple, okay. Parce qu'on n'a pas encore le navire, là, la version du navire. OK. Fait qu'on pourrait dire qu'il pourrait s'agir. Oui. Ouais. OK. Parfait. Puis vous avez reçu le call vers quelle heure, hein? C'était 9h15 ce matin. Ah, OK. C'est 11h15 ce matin. OK. Et dans le fond, si on dit que la garde côtière mène des recherches pour l'art du coin pour retrouver un homme disparu en mer, c'est correct. On peut dire que, selon les premières informations, ce serait un homme qui aurait fait une chute de navire. Le numéro là, pour notre personne qui s'occupe hein? Des communications. Là. Ouais, mais c'est un numéro d'urgence. Pourrait en donner un petit peu plus. OK. Parce que c'est sûr que les autres, ils en savent un petit peu plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, je vais peut-être le prendre en note. C'est juste que j'essaie de les rejoindre tantôt. Je sais pas si c'est le même numéro que j'avais, là. OK. Donne-moi une petite seconde. Merci beaucoup. Je vais pas, je vais prendre ton numéro, puis je te rappelle là-dessus. Ah, ben, c'est parfait, c'est gentil. C'est le... Tu peux donner une seconde. Pas de problème. Ton nom, c'est quoi? Oui, pour Radio-Canada. Puis c'est pas ton nom de famille déjà? C'est un drôle de nom de famille. OK, avec Radio-Canada. C'est ce que je vais faire, mais pas ton information, là, ton numéro de téléphone, je te rappelle si je l'ai. Là. Parfait. Puis, au pire, je parle à personne, puis lui, cette personne-là va te rappeler. OK, parfait. Puis juste une question, c'est ça, mais juste pour dire, le navire, là, c'est bien le navire cargo qu'on voit, là, sur Marine Traffic, hein? Ouais, le container, ouais. Ouais, OK, ouais. Comme le... Parfait. Bon, ouais. Monsieur, super. Merci c'est parfait. Beaucoup. Bye-bye. Plaisir, au revoir. May 19th, 2019, 14 hours, 48 minutes, 4 seconds. Garde côtière, Coast Guard, bonjour. Oui, salut. Oui. C'est les Escoumins? Oui. Concernant le Maris Patras? Le? Maris Patras? Oui, c'est bon. Oui, hein, j'ai Radio-Canada qui vient de m'appeler, là, puis il voudrait parler à quelqu'un, là, de communication. On a une personne, nous autres, ressources pour ça? Oui, il y a les coms à Pêche-Autant, je ne sais pas qui c'est en service. OK. Est-ce que tu as ce numéro-là, ouais, toi? Oui, Hélène, bouge pas, je vais trouver ça. Oui. Parce que là, cette personne-là, là, qui m'a appelé, là, a dit qu'elle a essayé de parler, à appeler des numéros, puis à personne. Fait qu'ils sont déjà un peu au courant là, que c'est le marin Spatchers qui essaye, ils voient tout ça, eux autres-là. Là. Ils savent que c'est qu'il y a un homme à la mer, mais moi, je vais pas te donner trop de détails là-dessus non plus. Là. Tu as un petit crayon? Oui, vas-y. Guylaine Beaudoin. Guylaine Beaudoin. Elle a déjà eu les informations sur les grandes lignes sur le cas. Oui. On lui a envoyé le réseau d'alerte. Fait qu'elle devrait. C'est parfait. En mesure de naviguer ça, c'est sa job. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup. C'est bon. Hey, bye bye. Salut. May 19th, 2019, 14 hours, 49 minutes, 58 seconds. Guylaine, bonjour, bonjour. Oui, bonjour Guylaine, ça va bien? Oui, merci vous. Ça va très bien, je te remercie Guylaine. Regarde, mon nom est Yves Imbeau, je suis superviseur ici au centre de trafic Les Escoumins. Oui. Puis on a une situation, je crois que tu es au courant, là, un homme qui a été porté disparu ce matin. Là, du. Ben oui, malheureusement. Oui, mais là, j'ai reçu un appel de Radio-Canada. Ah, La personne... Oui, elle voudrait avoir un peu d'informations. Son numéro de téléphone, c'est le... Et là, comme elle est au courant que c'est le Maheus Patras, là, comme elle disait, elle avait vu ça sur Marine Traffic, là, puis moi, j'ai dit qu'on n'avait pas plus d'informations, là, concernant la personne, là, tu sais, on n'en a pas plus, même si on en a un petit peu plus, je lui ai pas dit ce qu'on avait, là. Non, moi non plus, j'en donne pas, je vais juste lui parler des ressources qui ben, sont... C'est sûr que j'ai là, elle voyait qu'il y avait un hélicoptère, puis ça, oui, il y a un hélicoptère, puis on a des bateaux, ça va sûrement durer, là, jusqu'à la noirceur, mais... C'est sûr, c'est que je te donne ce numéro-là, puis je te laisse aller avec ça. Oui, c'est en plein ça, merci. Mais là, évidemment, aucune trace. Non, du tout, du tout, Guylaine. Non, regarde, on a le Maheus Patras, c'est encore ici, lui-là, là, à la dérive, il attend là, son bateau de recherche à lui, son petit lifeboat est impliqué aussi, on a le bateau pilote, le cap de Rabat, on a le CP Moine qui est impliqué, il y a un corps mort ici. Oui, il est allé se ravitailler. Oui, oui, oui, puis là, il revient, là. Ah, il revient? Oui, oui, il revient. OK, puis le NA, on a un cormorant aussi sur les lieux. Oui. Hey, je voyais le Tundra sur Marine Traffic. Il a-tu été impliqué ou? Non, le Tundra, lui, c'est parce que là, le bateau pilote était impliqué dans les recherches. On avait le NACC Québec, lui, qui a été impliqué au début. Puis le Tundra est venu en lui, était descendant. Fait que le bateau pilote a rentré, ramassé des pilotes pour le NACC Québec. Puis il est ressorti pour débarquer son pilote. Débarquer le pilote du Tundra, puis lui qui a continué son chemin. Ah, okay. Et NACC Québec, on a encore du trafic qui bouge, là, même si c'est dans la zone de pilotage, là, on essaye de faire les navires pareils, là, tu sais, les montants, les descendants, là. Oh, oui, ben oui. Fait que c'est pour que ça continue quand même. Ça fait qu'on est en train d'organiser ça, là. Mais jusqu'à date, là, non, on n'a pas eu de nouvelles. Lui, là, le bateau, un matin, quand il nous a appelé, il faisait son approche sur la station de pilotage. Puis, sur le canal 9, il nous a crié, là, on a un homme à la mer, un homme à la mer. Fait que là, tout de suite, il a lancé un kiss bearing à l'eau. Puis, il a fait une manœuvre. C'est quoi, ça? Un life raft, pas un life raft, mais un life ring. Là, OK, oui. Une bouée de sauvetage, si tu veux. Là. Puis, il a fait une manœuvre pour virer de bord, là, pour essayer d'aller le ramasser. Puis, le bateau pilote, ça donnait que le bateau pilote... Oh, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Oui. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Oui. MSC Donata. MSC Donata is command traffic. Roger, sir. You are now changing traffic sector. Go up on channel 06. Channel 06 and stand by. The officer will contact you on channel 06. That is correct, sir, and stand by. Stand by on 06. C'est ça, le bateau pilote, mais là, lui, il est en préparation de partir pour aller mener les pilotes à bord du Patras. Fait qu'il a décollé tout de suite. Il a décollé tout de suite pour aller voir. Puis là, ben, le patcher se le dirigeait un petit peu pour voir la bouée de sauvetage. Il l'a trouvé, mais il n'y avait personne là. Il n'a pas vu l'officier, second officer, là, il l'a pas vu. OK. Peu de ça, puis ce temps-là, là, qui cherche, là, puis comme je te dis, un avion privé ici qui a sorti un petit peu aussi, là, au début, là, pour aider. Wow. Puis là, ben, le griffon est arrivé, puis là, ben, c'est ça, il y a du monde qui vient de cogner à la porte, on a de l'information, on a les courants, tout ça, mais à un moment donné, on n'était plus rentré, là, tu sais. Ouais. Ils nous disent toute la même chose, là, l'information, mais tu sais, ici, là, ils ont mis des bouées dans l'eau et tout, là, la garde côtière, là, pour les courants et tout, ça fait que tout le monde veut aider le monde local, mais à un moment donné, tu sais, pour faire rentrer tout le monde, ils sont occupés, là, ça fait que on les laisse pas monter, là. Ouais. Ça fait que, bon, mais c'est ça qui se passe, Julien, je te laisse aller avec ça. Excuse-moi, merci. Guylaine, puis on se parle plus tard. Oui, merci, bye. Okay, bye-bye. May 19th, 2019, 15 hours, 7 minutes, 12 seconds. Oui, salut, c'est Scoumane. Oui. Je viens de parler avec le Sipoumouin, ils ont posé la balise SLDMB. Oui. Et puis il m'a donné la position à laquelle il l'a posé, c'est 48 degrés. 48 degrés. 1,9.144 minutes nord. 1,9.144 nord. 0,69 degrés. Oui. 2,2.473 minutes ouest. Et puis il m'a dit que le numéro de la balise, il voulait m'envoyer par courriel. Oui, on l'a. Et puis, il m'a dit aussi qu'il allait rester sur place près de la bouée jusqu'à temps qu'il y avait votre confirmation que la bouée transmettait correctement. Ah, OK, parfait. Ben, à ce moment-là, on va voir si elle apparaît. Là, OK. Ça fait combien de temps que l'a mis à l'eau? Il vient toujours de la mettre, là, il vient de m'appeler, puis il appelle direct. OK, parfait. Bon, ben, on va... C'est parfait. Merci, bye. May 19th, 2019. 16 hours, 36 minutes, 36 seconds. Garde côte à côte, bonjour. Oui, bonjour, les Escoumins. Oui. J'ai le bateau pilote, le Grand Zoo, qui voulait savoir là, si vous vouliez qu'il continue de faire les recherches là, pour dans le coin de la station pilote. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai pas entendu la fin. Oui, c'est le bateau pilote qui nous demandait si vous vouliez toujours qu'il continue les recherches là, au large de la station. Oui, s'il peut le faire de manière sécuritaire pour son équipage, on va lui demander de continuer les recherches. OK. Parfait. Merci. Merci. Bye. May 19th, 2019, 17 hours, 42 minutes, 25 seconds. Oui, bonjour les Escoumins. On a des détails là, pour l'homme à la mer là, en face de la station. Ils ont dit qu'il mesurait... Puis il portait là, une veste noire foncée là, par-dessus ses vêtements. Là, qui... Ouais, c'est ça. Là, présentement, là, il est à bord, là, le pilote du Mars Patras. OK. Mais c'est juste en attendant qu'il retourne à l'ancrage, là, de ce que j'ai compris, parce que là, il va avoir un problème là, de safe manning, j'imagine. Ou, en tout cas. Avec le deuxième aussi, ouais, de dépendamment, des fois, ils sont déjà short, ils sont déjà proches du minimum, ça se peut qu'ils ne puissent pas procéder. Des fois, ils peuvent procéder sans un deuxième, mais ça, ça va savoir. Oui, en tout cas, fait que c'est ça, là, pour tout de suite, là, on ne le sait pas. Nous, de ce qu'on imagine, là, c'est qu'il va retourner vers l'ancrage, là, un coup que les recherches vont être terminées. Ah, d'accord. Bon. De toute façon, les recherches, là, présentement, ça reste à confirmer, mais on peut les prévoir de travailler à 20 heures. En plus, là, c'est pas mal confirmé. Je suis pas encore fait, mais on prévoit. OK, ouais. 20 heures, ça va être terminé. Fait que c'est ça. Pierre, là, j'ai envie de proposer mon courriel, là, pour la SQ, puis, l'agent de ce bateau-là, il va te marquer dans l'INAP, j'imagine? Oui, j'ai... Oups. Ouais, c'est ça. Donc, capitaine, Nico, Maritinko, c'est toujours valide? Oui, ça devrait être. C'est correct. Je regarde ça, s'il manque des infos, je te rappelle. OK. Puis, le Sipoumé nous avait appelé là, pour dire que c'était terminé pour lui, les sortants de vers Kakuna. Ouais, ouais, il commençait à être loin en bio. Là, ouais, c'est ça. Il va rester de Cap de Rapport encore pour quelques minutes. OK. Puis, est-ce qu'on peut avoir le numéro de cas pour... Ben oui, c'est le 104. 104. Ouais. OK. Bon. OK, merci. Bon, c'est parfait, merci. Salut. May 19th, 2019, 18 hours, 16 minutes, 35 seconds. Trafic est-ce qu'on est secteur 2, bonjour. Hey, secteur 2, c'est Chantal, moi je viens de commencer mon chiffre, là. Faut que je continue à aller chercher. Ah, ben, la dernière nouvelle qu'on avait, là, c'est que si c'est safe là, pour vous autres de continuer, oui. Puis les recherches là, devraient terminer là, vers 20 heures. Là. OK, à tomber de la nuit, moi j'ai mon prochain montant là, à 19h25, j'ai pas de descendant proche, là, ce que je peux voir. Là. Ouais. J'ai rien avant l'île Blanche, quoi. Je veux juste confirmer avec toi, là. Non, t'as rien avant... L'île aux coudes, même, je vois, là. Ouais. OK, fait qu'en montant 19h25, c'est bon. Moi, faut que je prenne mon autre matelot à 19h, fait que je vais sortir tout de suite. On va... Tu veux que je monte ou je descende ou j'appelle le Cap de Rabat pour... Ouais. Moi, je viens de rentrer, là. Je sais pas ce qui a été ratissé, là, puis je veux savoir c'est où je m'enligne, là. OK. Moi, c'est plus avec le Cap de Rabat, là, qui gérait, là, parce que je sais que le Marche Patras, là, il se remet en route un peu vers nord-est. Ouais, lui, mais je viens de l'entendre qu'il voulait refaire une dernière recherche. Moi, OK, je vais m'arranger avec le Cap de Rabat. OK. Puis le fédéral difficulté, là, es-tu content de l'envoyer pour 2000 au large? Non, ouais, c'est qu'il rentre pas dans le secteur, là, il n'y a pas de problème. Puis moi, je vais quand même continuer avec mes spots toute la nuit avec une vitesse de sécurité. OK. Fait que, tu sais, même si c'est arrêté, là, si j'ai affaire des bateaux dans la nuit, là, j'irai pas vite avec mes spots, là. OK. OK, fait que c'est bon. Je te remercie. Si tu as de quoi, rappelle-moi sur le cellulaire parce que je vais être au large. OK. Ou sur le radio. C'est bon. Hey, le Chemtrans, c'est quel, ça? Le quoi, ça? Chemtrans. Chemtrans? Ouais, j'ai ça, moi, à 4000. Ouais, il est descendant, là, il s'en va pour la mer, là. Ah, il a été fait, lui. Ouais. Excellent. C'est bon, je te remercie beaucoup. OK. Bye-bye, là. May 19th, 2019, 18 hours, 21 minutes, 39 seconds. Tu es très bien, moi, bonsoir, Godin. Oui, bonjour. De TVA Rivière-du-Loup, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Oui. Écoutez, j'aurais aimé contacter, je voulais parler peut-être à un porte-parole là, de la garde côtière ou pour pouvoir parler de la situation de l'homme qui est tombé à la mer à les Escoubins. On m'a donné votre numéro comme référence, je ne sais pas si il y a quelque chose. Nous, on peut seulement là, vous référer aux relations publiques la garde côtière. Nous, on n'aimait pas de commentaire comme tel. Oui, exactement. Je n'ai plus le nom de la dame en question, là, de la porte-parole. OK, gardez l'écoute un petit instant, je veux rien. Oui, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Ouais. Okay, alors, vous allez contacter Mme Guylaine Beaudoin. Oui. Au numéro... Parfait. C'est Mme Guylaine Beaudoin. Oui, c'est bien ça, oui. Parfait, je vous remercie énormément. OK. Merci, au revoir. Au revoir. May 19th, 2019, 18 hours, 34 minutes, 27 seconds. So, because command, bonsoir, monsieur. Yes, sir. Good evening. From Robert Rayford, the agent of the Merge Patras. Can you say again, please? He's from Robert Rayford, the agent of the Merge Patras. The agent, yes. Yes, I'm just, I've been calling periodically. I'm just checking for the missing crew, the fellow report. Yes. Any update? The search and rescue is still being conducted. Oh, nothing then. No, they didn't find anything. We have one helicopter. We have some surface unit. Looking around at this time, also the Mersk Patras is holding around to see if they see something, but there's no sign of your crew member, sir. Yeah, it's unfortunately, and it has passed a lot of time now, so... Well, we have to consider that the temperature of the water here is approximately 6 Celsius. Yes. So it's very, very cold, and the tragedy happened around 9:30. Yes. This morning. So we're afraid that maybe there's not too much hope. Yeah. And do you know for how long they will continue looking? Because now the rain dark, surely, no? Well, we I think they. They're planning to do the research for until 8 o'clock tonight. 8 o'clock tonight. Basically, that's the time that they won't be able to see anything due to the darkness. Mm. And that's what we heard so far. The research is going to keep going until approximately 20:00 tonight. And then they will call the research over. Okay, understand. Thank you so much for appreciating your update. No problem, sir. Okay, have a nice good night. Yeah, bye-bye. Bye. May 19th, 2019, 19 hours, 25 minutes, 16 seconds. Bonjour. Oui, salut, c'est Scoumin. Oui. Le cap de Rabat. Oui. Vient de retourner de bord. Oui. Le Maersk Patras, là, croyait avoir vu, aperçu quelque chose sur son bâbord. Oui. Donc, c'est ça qu'on avait. Bon, puis le Grandio, c'est bordé de bord ou... Ben, le Grandio, présentement, est en train d'embarquer un pilote, là, sur le Federal Desky. Bon, c'est qu'on va laisser ça sa manœuvre, là. C'est beau. OK, bye. Merci, au revoir. May 19th. 2019, 19 hours, 33 minutes, 59 seconds. Oui, bonjour les Escoumins. Oui. Le Mersk Patras, donc là, il s'est rapproché, là, puis il confirme que c'était un morceau d'arbre là, qu'il y avait dans l'eau. Okay. Donc, OK, c'est confirmé. Fait que peux-tu avouer le cap de Rabot que vous avez déjà? Oui, je pense que là, vous voyez déjà regarder dedans. OK, c'est bon. OK. Bye. Bye. May 19th, 2019, 19 hours, 41 minutes, 1 second. Antoine Lopetas. Oui, bonsoir, Sylvain. Oui. J'ai le masque pas de place pour son deuxième pilote qu'il doit prendre. Oui. Là, regarde, il continue encore un petit peu les recherches là, jusqu'à la noirceur. C'est ça. Là, la noirceur, bon... Ben, dans le centre, peut-être 20h15. Ouais, dans ce coin-là. Fait que moi, si je te donne ça, est-ce que t'es satisfait avec ça? Ben, c'est juste pour que tu saches à quelle heure tu peux être à la station pour le ramasser, c'est juste ça. Ouais, ben toi, ça te prend quoi? C'est 45 minutes, que tu m'as dit? Ben, mettons, là, le pilote, il l'a appelé pour lui dire qu'il y avait un bateau à noirceur, mais il faut que tu saches quand se présenter au quai, ça. OK. Garde, on va sonder le pilote de ce bateau pour à peu près savoir, là. Juste une idée, là. Ouais, OK, ben on va lui demander, voir s'il n'y aurait pas une heure, puis je te rappelle. Merci beaucoup. OK, bye. May 19th, 19 hours. 44 minutes, 11 seconds. Oui, bon, alors, regarde, le navire vient de dire au bateau pilote là, qu'il va être à la station à 8h15, 20h15 pour prendre son deuxième pilote. Oh, OK, mais je vais appeler mon pilote tout d'abord. Oui. Merci. OK, bye. May 19th. 2019, 19 hours, 56 minutes, 43 seconds. Avec le commandant, bonsoir, good evening. Oui, bonjour. Nous autres, on est présentement au condo Natacan. Mm-hmm. Puis j'ai vu les nouvelles, là, comme de quoi qu'il y a quelqu'un qui était tombé. Puis ce matin, quand on déjeunait, là, on a vu quelque chose passer, mais je pensais que c'était une tête de loup marin. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Non, en fait, là, les recherches, là, vont être complétées bientôt. Okay. Et puis, là, on a eu suffisamment là, de ressources sur place, madame. OK, merci. OK, au revoir, merci. Au revoir. May 19th, 2019, 19 hours, 58 minutes. 49 seconds. Telco, Telco, Kurt. Oui, c'est le moi. Oui. Oui, donc là, vous confirmez que je peux annuler la détresse. Oui, tu peux annuler le Mayday, il n'y a pas de trouble. OK, c'est bon. OK. Merci, salut. Bye. May 19th, 2019. 20 hours, 16 minutes, 53 seconds. Bonsoir. Oui, bonsoir, les Escoumins. Oui. Le cap de rabat est attaché à Tadoussac. Parfait. Puis le Meurs Patras là, faisait une dernière... Une dernière pause là, pendant le qui reste de clarté, puis ensuite, là, il part en montant. OK, ça marche, merci. OK, bye. Bye.